Président, avant, quand tous les terrains agricoles étaient cultivés, fauchés, labourés et tout, il y avait très peu de moutons, puisqu'il y avait des, comme la Sellette, l'Orient, tout ça, il y avait des montagnes communales ou domaniales qui étaient louées aux moutons. Le reste, c'était privé, personne n'y allait, sauf les propriétaires du coin. Et puis, il s'est avéré que en abandonnant l'agriculture, les prés, nous on a travaillé longtemps des prés des voisins, mais après on n'a plus pu. Donc les moutons maintenant viennent manger dans les prés de faucheurs qui sont là ou là-dessous, même sous le village. Ça. Maintenant, l'été, on est entouré de troupeaux ou de troupeaux de vaches pour faire manger les prés, puisqu'il n'y a plus personne de fauche. À la foule, il y a 5 ou 6 troupeaux de moutons, des troupeaux relativement importants. D'accord. Des troupeaux de 2 500 jusqu'à 3 000 têtes. Hein. C'est des bêtes qui viennent d'où? Du Var surtout. Du Var. Var, Salon, ouais, Bouches-du-Rhône, Talon. Et puis, là, il y a quelqu'un du bas de la vallée aussi, ceux qui viennent maintenant. Qui? C'est d'en face. Du bas de la vallée, Ah, c'est si. pas. Et là-dessous, bon, c'est sur les prés là-dessous, Sur le village, c'est les vaches. c'est les vaches. Un gars Oh, qui vient de Seine avec une trentaine de vaches, qui va venir d'ailleurs à la fin du mois, comme les moutons, bien sûr. En principe, la transhumance commence pour la Saint-Jean, c'est-à-dire le 24 juin, autour de cette date-là.